Voici, en une heure, l'intégrale de Nantas, nouvelle écrite par Émile Zola et publiée en 1878. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, juillet 2022.